before moving on to the final part of this scene in reception, here are three brief dialogues of some other people checking into a hotel. In this first one, as well as une chambre pour une personne, you'll hear an alternative form for a single room. Une chambre simple. Une chambre simple. D'accord. Nous commençons. Numéro 1. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je m'appelle Thomas. David Thomas. Ah oui, monsieur Thomas. Vous êtes de Londres, n'est-ce pas? Oui. Eh bien, bienvenue à Paris. Merci. Ah, voilà. Monsieur Thomas, une chambre avec salle de bain pour deux personnes. Non, c'est maintenant seulement pour une personne. Madame Thomas ne vient pas. Non? Non. D'accord, monsieur. Une chambre simple, avec salle de bain ou avec douche? Avec salle de bain, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Et c'est pour trois nuits, n'est-ce pas? Pour trois nuits, c'est ça. Oui, monsieur.